Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro, ouh, le micro ouvert, est à ouvert, à toi. Oh. Oh, oh. Alors, par où on commence? Moi, j'avais envie de te rencontrer parce qu'on était sur le parvis avec le projet Camio, là. Et c'était la veille de la manif. Et tu y étais à cette manifestation. Et donc, l'idée de départ, c'est de dire, bah, tiens, t'es allé à la manif, quoi. T'as vu la manif. J'ai vu la manif, ouais. En fait, je l'ai rencontré malgré moi. J'étais avec quelques amis à boire un verre sur une place. Et à force de voir des hélicoptères et du bruit, on est descendu. Et on était au-dessus de la porte de Halle. Et il y avait une armée de voitures de police qui essayait tant bien que mal de retenir des gens avec des... comment dire, des brassards orange, je pense que c'est plus ou moins des dockers, ceux d'Anvers et de Gand, de métal ou de Liège, enfin bref. Et ils avaient beaucoup de mal, ils avaient très peur aussi. Mais... Ils avaient très peur, ah oui, ils avaient, La police? Ouais. La police avait peur, ouais, c'était assez évident. Ils savaient pas, ils essayaient de tirer un tuyau pour remplir leur camion pompe, qui malheureusement est écrasé par de leur voiture, qui ne savait pas qui était la clé, enfin tu vois, des décès un peu amarrantes. Mais toi, on peut peut-être préciser que t'es pas de Belgique, quoi. Tu débarques et tu vas retourner en France. Moi, ouais, je vais retourner où j'habite. Voilà. C'est important de le dire, donc t'es pas. Tu savais pas qu'il y avait une manif. On dit à Bruxelles aussi. Ah, ok. Ce qui est... Non, je n'étais pas plus au courant. Si, le matin, on m'a dit il y a une grande manif. C'est très rare, en fait, que les manifs syndicales arrivent à un moment à se dégager de leur service d'ordre, la FGTB, par exemple. La FGTB a un service d'ordre incroyable, quoi. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que chaque fois où les manifs syndicales partent un peu en vrille, tu as le service d'ordre de la FGTB qui essaie de tenir ces gens. Et on a l'impression, par exemple, là, était-ce un mot d'ordre ou pas, mais que le service d'ordre, par exemple, de la FGTB n'était pas... ou en tout cas souriait, quoi, et regardait se faire les choses. Mais c'est beaucoup plus important, je pense, que ça. Ce qui s'est dit là est de la colère qui trouve chemin. Et du coup, c'est pas... Mais c'est justement, je te disais ça tantôt, j'ai pas envie de parler de juste de cette manif en particulier. J'ai envie de parler de la manière dont est mort Rémi Fraisse. J'ai envie de parler de tous les gestes qui se posent actuellement et ne pas voir que l'Europe est au même stade que l'Afrique du Nord il y a quelques mois, quoi. Les gens sont vraiment en colère. Et cette colère pose des gestes et personne ne l'entend et un homme est mort il n'y a pas longtemps par ce qu'on appelle techniquement une grenade OF4 offensive de la police qui serait soi-disant coincée entre son dos, mais qui a fait l'expérience de ces grenades sait que ça te pète à la gueule, tu en crèves. C'est pas juste l'espèce de délire non létal. C'est pas un jouet, quoi. C'est pas un jouet, non. C'est Et que là-dessus, c'est, en même temps, on parlait tantôt de la police qui était devant ces manifestants. Et même sa schizophrénie. Parce que ce slogan, moi j'aime pas beaucoup les slogans, mais... où es-tu, police, milice du capital, dit un slogan. Mais que défends-tu là, à cet instant-là, quoi. Quand tu entends aux rumeurs, et c'est peut-être vrai, hein, mais c'est amusant. En tout cas, il vaut mieux la propager, cette rumeur. C'est que Charles Michel aurait demandé à la police de préparer son évacuation parce qu'il avait la trouille de ce qui se passait à Bruxelles. Et moi, effectivement, une des questions qui se posent à moi, c'est pas j'ai pas envie de... Moi, je suis pas bagarreur, j'ai pas envie de taper sur les gens. Mais où êtes-vous quand vous êtes... Par exemple, où es-tu, toi, flic, quand tu tiens ton bouclier devant des gens en colère par rapport à un gouvernement? Est-ce que ce gouvernement serait en train de devenir... facho, enfin, tu vois, est-ce que tu seras encore là, quoi? Jusqu'où peux-tu prendre ton bouclier et ta matraque par rapport à ce qui se passe et faire ce que tu es en train de faire? Jusqu'où tu vas taper sur les gens en colère? Et ces questions-là, on les pose pas. On parle de l'ordre démocratique. On parle de la légitimité. Bref. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, et j'aimerais aussi que des gens l'entendent, c'est que après les folies qu'il y a eu en Afrique du Nord, il y a énormément de policiers qui sont retrouvés schizophrènes dans les hôpitaux psychiatriques en Tunisie. Parce que le rôle était devenu insupportable. Tu parles de quoi, là, en Afrique du Nord? Je parle des révolutions qu'il y a eu il y a 2 ans, maintenant. Et que peu de gens s'en rendent compte, les gens font leur boulot, ça va, tout va bien. À un moment, ça pète, t'en as certains dans la rue. T'en as d'autres, ils sont à côté, quoi. Et que moi, mon impression est, après ça ne vaut que pour mon impression, et que le feu est là. C'est qu'on peut, on peut pas maintenir plus longtemps une espèce d'absurdité, que les gens au pouvoir vont se faire tuer, vont se faire pendre tant qu'ils le tiennent, ce pouvoir. Et que c'est pas une question de jeu par rapport à eux, c'est la position qu'ils tiennent. Dès lors, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de cet endroit-là qui prend parti dans des positions qui se font, dans la colère qui s'exprime. Mais t'as l'air vachement touché de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'air vachement touché d'un homme qui est mort il y a 2 mètres de moi, il n'y a pas si longtemps. À combien, tu dis? À 2 mètres de moi. Tu étais près de lui? J'étais... je suis passé là, à l'endroit où il est mort, quelques heures avant. Évidemment, c'est... C'est un ami proche de toi, ou...? Mais c'est pas... Pourquoi ça doit être un ami proche de soi pour... Des gens tiennent position et se font tuer. Je veux dire, c'est marrant. Moi, j'étais un jour au Brésil, et naïvement, tu vois, j'ai posé cette question, parce qu'il y a des photos sur un mur, des photos, des portraits de gens. Je me demandais, mais c'est quoi, c'est qui ces gens? Ce sont nos frères qui sont fait tuer par les pistoleros qui défendent un territoire. Ce sont nos... Évidemment que tu sens touché par rapport à ça. Enfin, je sais pas, moi, il me semble. Qui tue et qui est les morts. Je comprends bien, on peut être touché par quelque chose, évidemment, mais j'ai l'impression que toi, t'as l'air vraiment un peu... Mais peut-être ça n'a rien à voir avec le propos de la discussion, hein. T'as l'air un peu... T'as l'air très touché par quelque chose, quoi. C'était fou, tu comprends? Je peux t'en sortir d'autres. Hein. C'est pas... ouais, la batterie est plate. We never know. Ici pour une expo qui est à la Maison de la Culture de Namur sur le tatouage. Et ici en face de moi, j'ai qui ? Philippe Leuten. Je m'occupe des arts plastiques en décentralisation depuis 5 ans. Et c'est moi qui ai proposé cette thématique à la suite d'une série d'autres thématiques où j'essaie de... Donc mon boulot a priori c'est de créer des expos qui vont tourner pendant 2 ans dans la province de Namur. Elles sont montrées pendant une période variant de 3 à 4 semaines en primeur à la Maison de la Culture. Et puis elles sont mises à disposition pendant 2 ans pour les centres culturels locaux, centres culturels régionaux, maisons de jeunes, bibliothèques, tout organisme reconnu qui en ferait la demande. Et qui a bien sûr l'aval des autorités provinciales, puisque je ne suis qu'un agent provincial. Et alors, pourquoi ça pourrait être interdit, une exposition à un endroit précis ? Ça pourrait, je ne dis pas interdit, mais on va peut-être estimer qu'elle a déjà été présentée à 2 reprises, dans une 2e reprise, alors qu'elle était présentée pas très loin de là. Donc c'est éviter aussi de favoriser plutôt une région qu'une autre, quoi. C'est histoire de répartir un peu les moyens de diffusion sur l'ensemble de la province et d'éviter de se limiter ou de favoriser une région. Et donc depuis, moi j'ai repris ce boulot il y a 5 ans maintenant, oui, tout juste 5 ans, après avoir travaillé pendant pas mal d'années pour l'animation, accompagnement de visites et ateliers art plastique. Un peu en freelance, hein, des contrats bien spécifiques. Et depuis 3 ans, il y a eu une envie, plutôt que de faire sortir des pièces de musée et de les faire tourner dans la province, avec tous les problèmes que ça pose, puisque les musées sont soumis de plus en plus à des règles assez strictes au niveau de l'hygrométrie, de la température d'exposition, de la luminosité. Donc plutôt que de négocier avec des lieux qui ne sont pas toujours bien équipés pour accueillir ça, j'ai plutôt proposé un autre type d'expo à la croisée des arts plastiques et de questions de société. En fait, ce qui m'intéresse, et je crois que oui, les musées fonctionnent, c'est très bien, il n'y a pas besoin de sortir nécessairement des pièces. La Maison de la Culture, ici, a des expositions pointues au niveau art plastique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des questions sociales ou alors des moments où l'art est en prise directe avec les gens. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir un bagage culturel, un bagage plastique, un bagage de spécialiste, mais plutôt, on se retrouve devant des thématiques qui rassemblent des expressions artistiques qui sont dans le quotidien des gens. Il y a 3 ans, c'est une expo sur les codes logo-picto. C'est bien des choses qu'on côtoie tous les jours et qui nous induisent, qui nous conduisent, qui nous mènent, qui nous interdisent. C'est bien les codes logo-picto. Donc on a eu cette thématique-là il y a deux ans. L'année dernière, c'était une expo sur le street art. Ça me semblait intéressant de décoder un peu ce langage qu'on côtoie au quotidien, qui n'est pas toujours bien accepté parce que c'est souvent considéré encore comme de la dégradation du mobilier public. Et c'est vrai qu'il y a du travail qui est parfois un peu dommageable, je dirais. Mais au-delà de ce qui est donné à voir, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Donc, Ça, c'était pour l'an dernier. Et cette année, la question du tatouage, parce que c'est une question qui m'a interpellé déjà personnellement il y a 20 ans. Et puis, je me rends compte que maintenant, une ville comme Namur, qui n'est quand même pas une grande ville, il y a une douzaine de studios de tatouage. Dans une petite ville, voire un gros village comme Couvain, il y a un studio de tatouage. Dans une petite ville comme Rochefort, il y a un studio de tatouage qui est occupé par un tatoueur qui a une très très bonne réputation. Précisons que c'est en Belgique tout ça, hein, pour les gens qui... Oui. C'est tous des villes, les gros villages, petites villes de la province de Namur en Belgique. Et donc, il y a aussi cette efflorescence de tatouages, hein, qu'on retrouve à chaque fois que la température est un peu meilleure. On voit des bras, des mollets, des dos, des avant-bras, des bras complets couverts de tatouages, ce qu'on ne voyait pas du tout avant. Et comme je m'occupe d'un secteur qui s'appelle art plastique, je me suis un peu posé la question du tatouage. C'est du trait, c'est de la couleur et c'est du volume par le support. Donc on a vraiment les trois directions des arts plastiques. Et donc, ça me semblait pas du tout incompatible avec une programmation plus pointue de montrer cette expo ici à la Maison de la Culture. D'autant que il y a tout un travail, je dirais, presque d'éducation ou un travail pédagogique à faire par rapport au grand public autour du tatouage. Il y a effectivement une vogue maintenant du tatouage, hein, surtout à mon avis menée par les people, les gens du foot, les acteurs, les chanteurs, les top modèles qui défilent avec de plus en plus de tatouages. Je crois que c'est quelque chose qui a permis d'affranchir les gens, puisque ces stars montrent des tatouages, pourquoi moi je n'en porterais pas, quoi. Ça c'est une chose. Mais d'un autre côté, il y a quand même un mimétisme par rapport à, on veut le même tatouage qu'Angelina Jolie, ou un tatouage qui ressemble à celui de David Beckham. Et à côté de ça, il y a toute une frange du monde du tatouage qui est beaucoup plus orientée vers l'artistique. Alors qu'avant, on était dans la répétition de motifs, des motifs un peu, ouais, les marins, les bandits, le rock'n'roll, etc. On en arrive maintenant de plus en plus à des tatoueurs qui ont suivi des études graphiques, qui ne font pas que reproduire et repasser sur des lignes, mais qui créent des tatouages spécifiques pour les gens qu'ils ont rencontrés, les clients, quoi, les clients entre guillemets, encore que non, pas pourquoi des guillemets, c'est des clients. Donc il y a souvent un rapport d'échange, de manière à proposer, bon, quelqu'un arrive avec une envie d'un tatouage, et il y a souvent un rapport d'échange de manière à essayer de dessiner quelque chose qui correspond au mieux, au désir de la personne. Et puis négociation, discussion, correction éventuelle. Et puis un travail qui va être porté par une seule personne. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et puis aussi, l'histoire du tatouage est quand même une histoire qui n'est pas banale. Racontez, moi je ne la connais pas, l'histoire du tatouage. Alors, on a dans nos contrées civilisées, on a toujours un peu On a parfois un peu l'impression, ou on limite en tout cas le tatouage aux mauvais garçons, même si maintenant depuis 10-15 ans c'est en train de changer. Or, le tatouage est une pratique aux mauvais garçons ou aux peuplades primitives. Hein. C'est souvent les deux axes, les deux références qu'on a. Or, le tatouage était pratiqué dans nos contrées, dans l'Europe, depuis plusieurs millénaires. On a retrouvé en Autriche la momie d'un Ötzi, l'homme des glaciers, qui porte au bas de la colonne vertébrale une série de traits de 4 cm qui sont parallèles, en plusieurs séries, comme ça. Enfin, plusieurs groupes de 4 traits, si je me souviens bien. Et on ne sait évidemment pas à quoi ça correspondait. Est-ce que c'est religieux? Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que c'est thérapeutique? Est-ce que c'est lié à une initiation? On ne sait pas, mais c'est très clair qu'il y avait une pratique du tatouage il y a 4000 ans en Europe. C'est une pratique aussi qu'on retrouve, par exemple, chez les Celtes, les tribus des Pictes, se tatouer complètement le corps. Bon, l'explication qui est parfois donnée, c'est pour faire un peu peur à leurs ennemis lors des combats. La Rome antique, la Grèce antique, utilisait le tatouage pour marquer les esclaves. Soit un point entre les deux yeux, soit carrément l'initiale du propriétaire sur le visage. Ce qui permettait de retrouver les fouillards, ou quand on voyait quelqu'un de tatoué, c'est forcément un esclave qui s'est barré, et de le ramener à son propriétaire. Et puis, cette pratique du tatouage a été interdite par un pape, 9-10e siècle, je sais plus. Oui. Parce que là, c'est plus clair. La pratique du tatouage pour marquer les esclaves ou bien la pratique du tatouage en général ? Là, les seules traces qu'on ait, c'est des histoires qu'on raconte, qui ont marqué les esclaves. Hein. C'est, mais bon, moi, je n'ai pas non plus tout lu, mais il y a, c'est en tout cas les Pictes, Ötzi, les esclaves, ça, c'est des choses qui sont attestées et dans l'écriture, et pour Ötzi, en l'occurrence, dans une peau tannée, hein, une momie. Quoi. Comme on en retrouve ailleurs, là, on n'est pas dans l'Europe, mais dans l'Altaï, Mongolie, etc. En Égypte aussi, il y a des momies qui sont tatouées. Des prêtresses de l'Altaï qui ont des tatouages qui sont très, très décorés. Décoratif, très, ouais, très recherché, très raffiné. C'est aussi des momies qu'on a retrouvées. Je reviens en Europe, 8e, 9e siècle, un pape décrète qu'on ne peut pas transformer le corps qu'on a reçu de Dieu. Donc le tatouage est banni, interdit. En tout cas, officiellement, il n'y a plus de traces du tatouage. Et puis on se retrouve grand bond en arrière, alors qu'à côté de ça, le Japon, lui, continue. Le Japon développe une technique beaucoup plus pointue du tatouage. Pointue, c'est marrant, comme lapsus. Une technique qui va aller plutôt vers un dessin lié à des traditions japonaises, lié à des contes japonais, mais un dessin qui va être beaucoup plus grand au niveau de la surface. On a des gens qui sont entièrement couverts de tatouages. Hein. Donc ça, c'est le Japon. Je reviens en Europe, fin du XVIIe siècle, fin du XVIIIe, les découvertes des îles James Cook, etc. Et les marins qui se trouvent dans les îles du Pacifique confrontés à des peuplades Maori, Polynésie, Mélanésie, etc., des peuplades qui utilisent le tatouage d'une manière symbolique, d'une manière rituelle, rite de passage, niveau social dans la société, clan, etc. Et ils vont revenir avec cette pratique du tatouage qui va au départ se développer essentiellement dans les ports, puisqu'ils reviennent, et c'est les marins au départ qui vont tatouer dans les arrières-salles de bistrot, qui vont se faire un peu d'argent, et on en arrive à des tatouages qui racontent les histoires des marins, qui sont transférés sur la peau d'autres personnes, des aventuriers qui vont aussi vouloir se faire tatouer. Et puis un glissement, c'est fin du 19e siècle, une pratique du tatouage qui va se développer très fort dans les BATDAF, bataillons d'Afrique, bataillons un peu disciplinaires de l'armée française. Les têtes dures, les récalcitrants sont envoyés là en bataillon disciplinaire. Et comme pour les marins, isolement, solitude, ennui, aussi volonté de se marquer, on appartient à une caste, ils vont commencer à se marquer avec tous des tatouages qui parlent de leur bataillon, avec des slogans, etc. Et en ayant aussi des pratiques toujours de révolte par rapport à l'autorité. Par exemple, sur la tranche de la main, des gars se font tatouer Jean Merde en toutes lettres. Et le colonel en toutes lettres sur le front. Donc le matin, quand on salue le colonel, mais en toutes lettres, mis j'emmerde le colonel. Et donc ces gars se font finalement dispenser de salut, parce que c'est un peu dérangeant pour le colonel. Il y a aussi une variante, c'est gel sur la tranche de la main et cafard sur le front. Quoi. Donc tous ces gars qui ont l'ennui, qui sont là un peu loin de tout. Et puis ces gars, je disais tout à l'heure, c'est un peu des petites des têtes brûlées, des réticents, des gars un peu qui ne se soumettent pas à l'autorité. Et presque inévitablement, le tatouage va glisser dans le monde de la pègre. Toutes les petites frappes, les gars qui terminent leur service militaire, le tatouage est présent, de nouveau, pratique un peu clandestine. Hein, mais alors... on va bien sûr avoir le revers de la médaille, c'est qu'un médecin légiste de Lyon se dit, mais mon Dieu, c'est des moyens d'identifier tous ces criminels, ces truands et tout. Et donc il va y avoir toute une pratique de la photo policière, photo d'identité, qui va relever tous les tatouages. Il y a des carnets entiers du docteur Lacassagne, mais après dans d'autres lieux de France, des carnets entiers qui reprennent des tatoués, profils, faces, fesses, vraiment le corps entier, de manière à retrouver les... Pour reconnaître les malfrats, c'est ça ? Comme il y a les yeux bleus, ouais. Une cicatrice, un grain de beauté. Mais les tatouages sont des signes de reconnaissance. Bon, à ça, il faut bien sûr trouver une parade. Donc on a les gros truands, eux, se font faire des chemises sur mesure en soie très près de la peau pour cacher les tatouages, expérimentent des recettes de détatouages. Mais les petits malfrats, eux, continuent. Ça continue à se propager. Et alors, un moment aussi important au niveau du tatouage, c'est la guerre 40-45, avec du tatouage de militaires. Et puis, ben, dans les années 50, ça passe chez les rockers. Ça passe chez les rockers, de nouveau, esprit de clan, une star, des slogans. Les rockers et inévitablement les bikers aussi, de nouveau faire preuve ou montrer son appartenance à un clan, à la fois par l'image qu'on porte, mais aussi par la douleur qui est une forme de rite initiatique. Un moment aussi fort important au niveau de l'évolution du tatouage, ça va être fin des années 60, début des années 70, et ça, essentiellement, en tout cas, ça commence aux États-Unis, c'est la libération, le mouvement de libération de la femme qui va amener, alors qu'avant, on est quand même essentiellement dans des tatouages qui sont sur des mecs, hein, on va avoir une série de femmes qui vont aller contacter des tatoueurs en demandant non plus qu'on répercute les mêmes motifs, l'encre, le alulu pour la vie, le cœur barré, etc., mais des motifs plus sensibles, un oiseau, des choses en tout cas plus personnelles. Et lors de là, ben, on va passer à toute une évolution. Il y a toujours les flashs, hein, ces motifs typiques, ces motifs un peu répétitifs, qui d'ailleurs reviennent, des tatoueurs actuellement sont en train de se réintéresser aux anciens motifs. Mais alors il y a tout ce mouvement de création plus personnalisé en fonction de l'histoire de la personne, en fonction des choses qui l'ont marqué, d'objets rituels ou d'objets personnels ou d'objets ayant du sens pour la personne. Et puis ben, des tatoueurs qui maintenant travaillent comme, en utilisant ben, la peau de leurs clients comme une toile, voire même en direct pendant un concert, lors de concerts de rock, des types qui tatouent directement le chanteur. Donc on a vraiment une histoire qui est assez longue. Et bon, la question, pourquoi cet engouement maintenant, ce nouvel engouement pour le tatouage? Il y a certainement ce dont je parlais tout à l'heure, une espèce de... On rend cette pratique autorisée. Le fait que plein de gens qui ont un peu qui sont sous les projecteurs, hein, sportifs, acteurs, chanteurs, ces gens sont des gens validés par la majorité de la population comme ayant un statut. Et à partir du moment où des gens ayant un statut montrent leur tatouage, c'est quelque part pourquoi j'en ferais pas autant. Quoi. C'est une forme de validation du fait de passer à l'acte. Même si ça reste quand même, encore pour beaucoup, on le voit dans les ateliers ici, l'exposition, ça reste quand même quelque chose encore qui fait peur. Pourquoi ça fait peur? Ben, ça fait peur parce que c'est toujours entaché de cette réputation, parce qu'il y a aussi, je crois, quelque chose qui est définitif. Se tatouer, quelqu'un disait, c'est une œuvre définitive sur un support éphémère. Je trouve ça assez beau. Il y a effectivement peu de moyens de se détatouer. Un moyen de cacher certaines inscriptions, ben c'est le recouvrement. Il y a des tatoueurs qui se sont spécialisés dans le recouvrement. Donc ils vont refaire un motif en incorporant un motif qu'on veut cacher et en le recouvrant, par exemple. On peut très bien avoir... J'ai rencontré quelqu'un que j'ai interviewé au niveau de... Il y avait deux bras complets, quoi, une manchette yakuza, donc style japonais d'un côté, et une manchette maori de l'autre côté. Le bras gauche maori. Et en fait, il dit, moi, j'ai fait ça pour cacher toutes les petites... Il m'a dit les petites merdes que j'avais faites quand j'étais gamin. Quoi. Donc, adolescent, il dit, il y avait même le prénom d'une fille dont je ne me souviens pas. Donc, on est le genre de choses qu'on fait un peu sur le coup de l'émotion, un coup de folie, ou parce qu'on a fumé un pétard ou qu'on a bu un coup. On se tatoue, et puis après, qu'est-ce que... C'est... Donc, il voulait un peu nettoyer tout ça. Mais les techniques qui existaient à l'époque, laser, donc très coûteux, douloureux, beaucoup de séances, et en plus qui ne nettoie pas complètement, puisqu'il a plutôt tendance à dépigmenter la peau. Donc au lieu d'avoir le trait ancré, on va avoir une dépigmentation, mais le dessin reste encore perceptible. Et donc à l'époque, ben, il a dit pour cacher ça, je fais manchette. Quoi. Et les manchettes, ben, les noirs des manchettes cachent en fait. Donc c'est tout un travail du tatoueur recouvreur, c'est de développer le dessin, en tenant compte, on va dire, d'accidents, entre guillemets, qui se trouvent sur la peau, d'accidents d'ancrage, et de les couvrir, quoi, pour en faire quelque chose de joli. Et cette personne, enfin, jolie ou acceptable pour la personne, en tout cas. Et puis, cette personne dit, ben oui, forcément, j'ai fait ça sur les bras, parce que c'est là qui étaient les petites merdes de mon adolescence. Et à la fin, est-ce qu'il y a des regrets? Il dit, le tatouage, les manchettes, pas de souci, mais si, pour recouvrir, mais sinon, il ne faut jamais se faire tatouer. Donc c'est assez étonnant, quelqu'un qui a deux manchettes complètes, des tatouages vraiment très très bien faits, qui dit, il ne faut jamais se faire tatouer. Mais bon, ça, c'est le regret. Maintenant, il y a peut-être des choses qui vont changer au niveau des tatouages, puisqu'il est plus... Bon, on évalue en Belgique la population de personnes portant un tatouage à entre 10 et 15%. C'est une évaluation parce qu'il y a, sur le tatouage, il y a ceux qu'on montre et ceux qu'on ne montre pas. Et comme au niveau des tatoueurs, il n'y a pas vraiment de statut professionnel. C'est d'ailleurs très différent de la France. Pas de syndicat des tatoueurs. C'est très difficile d'évaluer le nombre de personnes tatouées. Mais on parle entre 10 et 15%, ce qui est quand même énorme, quoi. Mais alors 10 et 15%, ça veut dire aussi un potentiel de personnes qui vont avoir des regrets qui va augmenter. Donc l'industrie parapharmaceutique, dermatologique, etc., vient de mettre au point une machine qui coûte énormément cher, qui est tout à fait fiable, qui détatoue vraiment très, très proprement, mais aussi, c'est du business, quoi. De la même manière que pour certains, le tatouage est du business. Il y a des tatoueurs qui sont des gars, je crois, intègres, qui en vivent effectivement, mais où ce n'est pas nécessairement au centimètre carré qu'on va faire payer les gens. Et d'autres, pour des petits motifs, il y a une espèce de tarif comme ça pour un petit motif, et c'est presque à la chaîne. C'est un regret d'un tatoueur qu'on a interviewé aussi. C'est un regret, c'est oui, ça que tu as dit. Un tatoueur, donc dans l'expo, on a une interview d'un tatoueur, un jeune gars qui s'était installé ici à Namur il y a 8 mois. Et lui regrette le manque de cadrage, tout en sachant qu'il y a toujours cet aspect clandestin du tatouage et cet aspect mauvais garçon. Mais il trouve qu'il y a, il y a en tout cas une série de normes qui font que, pour lui, les candidats tatoués ne sont pas toujours en bonne main. Il faut savoir que pour s'installer comme tatoueur, actuellement, on est en novembre 2014, en Belgique, on demande juste une formation à l'hygiène, genre formation AFSCA. AFSCA, pour ceux qui ne connaissent pas les abréviations en Belgique, c'est l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. C'est un peu comme si les tatoués étaient finalement du bétail ou un troupeau. Donc il y a une formation à l'hygiène et une formation de chef d'entreprise, donc par rapport à tout ce qui est taxation, TVA, comptabilité, etc. Au niveau des compétences de graphisme, au niveau de la connaissance du métier, il n'y a absolument rien. Il n'y a aucune structure officielle en Belgique à cette heure-ci. Alors qu'en France, Tintin, qui est un tatoueur renommé, hein, qui est aussi à la base du Salon mondial du tatouage chaque année, c'est quelqu'un qui a aidé ou qui a poussé à ce que soit créé en France le Syndicat national des artistes tatoueurs, SNAT, qui regroupe tous les tatoueurs professionnels autour d'une charte éthique. En l'occurrence, on ne tatoue pas des mineurs. On ne tatoue pas des personnes qui arrivent sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue ou l'autre. Donc, lié quelque part à une volonté de reconnaissance du sérieux de leur boulot, et aussi, je crois, une conscience que le tatouage est un geste qui engage le tatoué pour le restant de sa vie. Pas si on crée un produit pour justement l'effacer, parce que c'est ça un peu le... Bon, ça coûte cher, un tatouage. Hein. Ça coûte... Enfin, c'est pas rien, quoi. Hein. Vous savez dire un peu les... Il y a quelqu'un que j'ai interviewé, mais il en a pour une histoire, un petit 100 000 francs sur son bras, quoi. 100 000 francs, c'est donc 2 500 euros. Je parle encore en ancien franc. Non, un petit tatouage qui fait, une histoire de 80-100 centimètres carrés, c'est une histoire de 150 euros, quoi. Non, ça coûte. C'est... Donc, c'est pas n'importe qui non plus qui peut se faire tatouer, ou alors on le fait à l'arrière. Enfin, c'est devenu branchouille aussi, quoi, ces espèces de tatouages où on voit vraiment... Enfin, moi, je... Mais c'est devenu branchouille. Oui, il y a un côté comme ça, people est aussi branché, quoi. Mais alors, toute une série de tatoueurs ont tendance aussi à travailler plutôt que de faire des petits trucs comme tout le monde. Réfléchissez si vous voulez vraiment un tatouage, et alors faut quelque chose de personnalisé, donc aller plus loin, quoi. Donc c'est aussi donner le temps de la réflexion plutôt que... Ouais, on a vu quelqu'un en boîte samedi, c'est chouette, et on va refaire la même chose le lundi matin, quoi. Il y a aussi des encres, je parle des boîtes, il y a des encres maintenant qui réagissent au blacklight. Donc le tatouage apparaît uniquement lorsqu'on est sous la lumière des blacklights. Donc on est aussi dans un côté très, très soirée, très, très sorti, très hype. Mais c'est vrai que tatouer coûte cher, mais se faire détatouer coûte cher et coûtera cher aussi. Donc je crois que c'est tout le monde a intérêt, et je ne fais pas du tout... je suis ni pour ni contre, je crois que c'est une question... L'exposition ici ne veut pas donner un jugement moral, elle veut donner un peu un regard sur une pratique qui parfois, certains la portent au nu, d'autres la méprisent, mais c'est savoir de quoi on parle aussi, quoi. Et alors j'entends aussi beaucoup dans les personnes que j'ai interviewées, j'entends beaucoup de témoins qui disent, généralement, quand on est vraiment accro passionné du tatouage, quand on en a fait, on en fait d'autres. C'est rare. Ou alors la petite étoile ou le petit dauphin, la petite hirondelle cachée, c'est parfois pour faire comme, quoi. On a aussi un tatouage. Mais ceux qui s'engagent autrement, racontent une histoire avec avec l'encre qui se font piquer dans la peau. Ceux-là, je crois, une fois qu'ils y ont touché, c'est assez terrible. Parce que ça fait mal aussi. Ça prend du temps. Enfin, c'est pas comme ça. Et on va se tatouer, on ressort. Il faut soigner ça. Tout à fait. Il y a le temps du travail du dessin. Il y a la douleur que ça engendre. Il y a les soins. Et puis aussi, quand on fait ça, un tatouage sur un bras bien musclé, quand on a 25-30 ans, qu'est-ce que ça devient quand on en a 45-50 et qu'on commence un peu à se ramollir de partout, quoi. Donc, c'est tout des questions. Mais la majorité des tatoués actuellement, c'est la tranche 18, je ne vais pas dire 15 parce que ce serait illégal, mais il y a des gamins de 15 ans, hein, c'est jusque 35 ans. La majorité, c'est les personnes plus âgées. Il y a des personnes plus âgées qui passent à l'acte maintenant que c'est moins mal vu qu'avant, qui en ont eu envie. Pour la petite histoire, là, je me dévoile. Au début des années 90, j'étais très tenté par le tatouage, mais il y avait très peu de tatoueurs, il n'y en avait pas un seul à Namur. Il y en avait un qui travaillait en clandestin. Enfin, il travaillait chez lui, il y avait des cartes de visite, mais il n'y avait aucune vitrine. C'était un gars qui bossait d'ailleurs à la ville de Namur. Il était employé à la ville de Namur, il était fonctionnaire, et il tatouait chez lui. Mais lui, il tatouait du flash, donc uniquement des motifs. Donc voilà, moi, ça me disait rien, ça me touchait pas, ça me racontait rien. J'avais pas envie de jouer au marin ou de jouer au rocker, c'était pas du tout ça, quoi. Et alors, je lui ai proposé de. Il y avait des dessins d'Henri Michaud que je trouvais très très beaux, qui me touchaient très fort. Il dit, une espèce de tache d'encre comme ça. Il dit non, à la fois, parce que je sais pas s'il ne se sentait pas capable de le faire, ou si quelque part, s'il va dire que c'est moi qui ai fait ça, alors que c'est des espèces de taches d'encre, ça va peut-être être mauvais pour mon boulot, quoi. Et puis, je fais des dessins. Il dit non. Alors, je sais pas si c'est. Comme pour Michaud, je ne sais pas si c'est pas envie de faire ça, ou pas envie de prendre le risque, ou pas envie de. Ou n'aimait pas, je ne sais pas. Donc j'ai un peu oublié tout ça. Et puis quand la thématique pour la prépa de l'expo est venue, il y a un an d'ici, juste après Street Art. Quoi. Déjà avant Street Art, je me disais ça, c'est être un. C'est... Mais j'ai commencé à chercher sur le net, lire des bouquins, rencontrer des gens, rencontrer des photographes, rencontrer des tatoueurs, des gens tatoués, aller au Mondial du Tatouage à Paris, aller à une magnifique expo que je conseille, Tatoueurs Tatoués au Quai Branly, jusqu'au 15 octobre 2015. C'est vraiment. Là, on voit qu'il y a des moyens. Musée national, c'est autre chose. Hein. Mais c'est vraiment une expo magistrale. J'ai vraiment, Qu'est-ce qu'on y voit là? Il y a vraiment l'histoire qui est faite, mais avec des documents originaux. Je parlais tout à l'heure des albums photos de la Cassagne. Ils sont là, on a des films. C'est aussi dans l'histoire du tatouage, j'ai oublié de parler, fin 19e, début 20e, les sideshows, où on exhibait des personnes complètement tatouées dans les foires, comme au même titre que les femmes à barbe, les gens à trois jambes, toutes les personnes, un peu hors hors, comment dire, hors normes. Hors normes, voilà, hors normes, hors critères de beauté, de normalité. Et les tatoués étaient exposés dans ces sideshows. Donc, je ne sais plus pourquoi je revenais avec ça, moi, avec les sideshows. C'est parce qu'on parlait de tu disais que tu avais beaucoup bougé, pris du son, t'es allé à Paris voir. Oui, donc on parlait de l'expo Tatoueur Tatoué. Non, elle remet vraiment, alors aussi au niveau des différents styles, au niveau des outils, vraiment au niveau de petits films, il y a vraiment une matière incroyable. Et le couple qui est commissaire de cette expo, qui a déjà fait des expos sur le tatouage, des expos sur les arts un peu à la limite, un peu marginaux à la Halle Saint-Pierre. Je trouve vraiment beaucoup de mérite d'avoir fait cette expo, avec aussi un catalogue qui est absolument splendide. Je parle de catalogue, c'est un signe aussi que le tatouage est dans l'air du temps, c'est le nombre de bouquins qui existent maintenant autour du tatouage. Avant, on avait uniquement les flashs, les tatouages de marins et un peu de bouquins d'anthropologues qui avaient repris les tatouages tribaux, tatouages ethniques. Mmh. Maintenant, on trouve vraiment de tout, quoi. De tout et aussi dans tous les sens. On a des bouquins aussi d'ethnologues, d'anthropologues, de sociologues qui analysent le phénomène tatouage. On a consulté... En préparant l'expo, des mémoires qui ont été faites à l'UCL, d'étudiants en psychologie, en anthropologie, qui font des études, tous des questionnaires. Donc c'est... Ils disent quoi en gros ? Parce que moi, ça m'intéresse de comprendre aussi, pas profondément, mais qu'est-ce qui fait que... Parce que moi, je me dis, par exemple, le tatouage, ben, on dit que c'est... Enfin, tu dis que c'est beaucoup via la télévision... Il y a d'autres choses. Hein. On voyage beaucoup plus aussi, ouais. Tu vois, donc les têtes. C'est le tatouage, je dirais, au niveau de la télévision, des magazines, etc. Je dirais, c'est le tatouage que j'appellerais tatouage par mimétisme, qui, à mon sens, n'est pas toujours nécessairement très engagé ni très conscient. C'est une espèce. C'est comme on va se coiffer de telle manière, on va porter tel type de vêtements. Il y a un côté plutôt effet de mode. Il y a à côté des gens qui sont beaucoup plus engagés, qui continuent à l'être. Il y a d'ailleurs toute une série de gens qui se tatouent depuis des années, qui sont absolument opposés, qui sont furax par rapport à l'engouement actuel pour le tatou. Ils estiment que c'est plus du tatouage, que c'est bon. Ça, oui, c'est devenu, mais c'est vrai, c'est devenu du commerce, c'est devenu de la consommation. Tout à fait. Mais il y a, je crois qu'il y a une question. On a eu une journée de préparation au niveau des animateurs ici, parce qu'on a des ateliers. Donc, visite suivie d'ateliers plutôt artistiques, visite suivie d'ateliers plutôt philosophiques, donc où on se pose des questions. Et Gilles Abel, le philosophe qui a mené un peu, parce que finalement autour de la table, on était tous en train de préparer une expo, on était en train de préparer des animations, et il y avait certains qui avaient des jugements, vraiment des jugements moraux. Donc c'était très étonnant, mais ça on ne peut pas, mais pourquoi on ne pourrait pas, enfin, ou ça c'est pas beau, mais pourquoi c'est pas beau. Donc ça remuait pas mal de choses, et c'est ça que je trouve intéressant, même au sein d'une équipe qui prépare, c'est de se rendre compte qu'on travaille sur la même chose en ayant déjà des visions différentes. Donc c'est voir comment on essaie de canaliser nos différences pour essayer d'avoir une proposition qui tienne la route et où on ait un discours qui soit je dirais pas unique, mais qui soit cohérent, quoi. Parce que discours unique, ça, j'y crois absolument pas. Je trouve qu'il y a autant de manières de voir cette expo, autant de manières d'interpréter tout ce qui est mis là qu'il y a deux gens, finalement. Mais alors... Gilles, le philosophe, nous a écrit un texte, au niveau de, pour le petit catalogue, le dossier relatif à l'expo, et il parle à défaut d'ancrage, mais avec un A, ancrage comme l'ancre du bateau, virgule, l'ancrage. Et il développe un peu son texte, mais en l'occurrence, c'est dans une société qui devient de plus en plus mondialisée, où finalement tout le monde a les mêmes repères, le même GSM, où il y a des espèces de pièces formatées ou de passages obligés, mais l'ancrage, donc c'est-à-dire c'est se faire écrire dans la peau ce qu'on est ou des textes qui sont des textes qui nous touchent, c'est peut-être une manière de retrouver une identité. C'est une piste. Hein. Mais je crois qu'il y a ces deux côtés sont assez, ces deux côtés de la balance, le mimétisme. Et le côté vouloir absolument se personnaliser et se distancier de la masse. C'est paradoxal parce que c'est le même geste finalement qui va à la fois faire rentrer des gens dans une pratique avec des motifs qui sont des motifs un peu... des motifs que monsieur tout le monde va porter. Et paradoxalement, à côté de ça, même technique, ancrage, mais vraiment se distancier de tout le monde. C'est paradoxal. Mais finalement, on retrouve peut-être ça aussi au niveau de la musique. Il y a la musique de masse et il y a la musique un peu plus underground ou un peu plus alternative. C'est comme, ça me fait penser aussi qu'on est beaucoup dans un monde d'apparence. Donc le tatouage en fait partie. Je m'affiche, on voit sur mon bras, je ne sais pas, j'invente une étoile. Ah! D'office, ça fait référence à quelque chose, comme on est beaucoup dans l'image, voilà, ça doit aussi jouer, ça. Mais il y a aussi ce côté d'esthétique. Avant, le tatouage, à la limite, il y a 20 ans d'ici, on voyait que quelqu'un était tatoué, mais à la limite, on ne voyait pas ce qui était tatoué. Il y avait l'espèce d'ostracisme comme ça, il est tatoué, mais on ne regardait pas vraiment, on osait à peine regarder, parce que ce n'était pas bien, quoi. Et maintenant, on va voir des gens tatoués, on va nous demander ce qu'ils ont tatoué. Bon, il y a la new school, old school, tribal, toutes les techniques, hein, horror, morbide, biomécanique, toutes les différentes écoles. Donc à la limite, il y a tellement de gens tatoués maintenant où on le côtoie tellement qu'à la limite on va regarder. Et il y a ce côté aussi d'appel du regard, mais appel alors esthétique et ce, image et comment je me présente. Bon, comme d'autres ont certaines lunettes, d'autres certains vêtements, ben, il y a certains qui ont du tatouage. Et alors il y a aussi cette, quand je parle du mimétisme, c'est aussi ce côté effet de mode. Ben, tous les copains l'ont fait, donc je le fais, mais un petit pour pas qu'on le voit, on voit pas trop quoi. Ou comme un film qu'on a présenté ce matin devant une centaine d'étudiants. De Marc Aurèle Vecchione, un film tous tatoués, qui était un film produit sur Arte, où un tatoueur disait, il y a ce côté où il y a un peu de snobisme aussi, ces gens parfois dans le milieu finance, branchouille et tout, toujours en costume et tout, tu me le fais pour qu'on, mais qu'on voit juste un petit peu un petit morceau qui passe dans le cou pour qu'on sache que je le suis, mais que ce ne soit pas trop dommageable. Mais on serait étonné aussi hein, par rapport à... Il y a des gens qui ont, on a la classe, vraiment la haute classe, on dira, chefs d'entreprise, financiers, banquiers, etc., qui ont des tatouages. Bon, eux ne passeront pas aux mains et au visage, parce que ça, c'est vraiment, là, c'est vraiment l'ultime. Quoi. On en arrive maintenant à voir plus de gens tatoués sur les mains et sur le visage. Avant, c'était le fait surtout de prisonniers qui étaient condamnés à perpète. On appelait ça la bousille, c'était ils se bousillaient, c'était une manière quelque part d'être en réaction, mais sachant qu'ils ne sortiraient plus jamais, ils se bousillaient le visage. Passer au visage et aux mains, c'est vraiment pas énorme parce qu'on ne peut plus le cacher, quoi. Mais alors, dans ceux qui sont vraiment engagés très loin ou qui justement... reproche ce côté un peu people, un côté un peu trop démocratisé, du tatouage. Il y en a certains, ils vont maintenant, on en voit plus avec des tatouages sur les mains. Moins, le visage, pas encore, mais ça commence. Des choses qui remontent le long de la nuque, derrière les oreilles, le visage, ou qui commencent à revenir des mâchoires. Là. Pas encore vraiment, c'est moins vraiment la face, mais il y en a plus qu'avant, quoi. Je crois que c'est des gens qui veulent aller au bout. C'est aussi celui qui faisait juste à la limite les initiales ou le prénom de sa copine dans les années 70, c'était déjà un caïd. C'est déjà, il se distanciait de tout le monde. Maintenant, celui qui va sur le visage, il se distancie d'autant plus que ceux qui veulent une petite étoile, une hirondelle, mais qu'on ne voit pas trop. Quoi. Ou qu'on voit juste quand c'est l'été et qu'on voit le petit dauphin sur le mollet quand je vais à la piscine dans ma résidence. Quoi. Donc, je trouve que c'est en tout cas des expériences... passionnante. Enfin, je préfère ça que d'aller chercher clé sur porte, choisir une thématique et d'aller chercher clé sur porte des œuvres dans des musées ou chez des collectionneurs. Ça, c'est ma vision à moi. Hein, parce que finalement, de travailler en côtoyant des gens, en allant voir des choses. Mais bon, quand je suis allé au Mondial du tatouage, j'ai rien. Si, j'ai ramené des photos. Quand je suis allé au Quai Branly, j'ai ramené le catalogue, mais je veux dire, je n'ai pas ramené de contenu tactile, tangible. C'est plutôt une aide à comment monter une expo avec des moyens ici qui sont nettement inférieurs, mais une expo qui tienne la route et qui est à la fois ce côté... Il y a un aspect artistique avec les photos de Charles Lemaire, qui sont des photos que je trouve personnellement vraiment très belles. On est dans du tatouage, mais on n'est pas dans du tatouage documentaire. Il y a un format carré qui ouvre des portes au niveau du regard, au niveau de la lisibilité, de la lecture de l'image. Il y a l'aspect pédagogique qui est aussi dans une de mes missions ici au niveau de la province, c'est que les expos soient accessibles et... Ça fait comme si normal, quoi, quand il y a une expo, on a envie qu'on vienne voir l'expo. Pas toujours. Il y a parfois de l'expo pour l'expo. Ah bon, c'est quoi ça? On peut accrocher des œuvres dans une galerie et point à la ligne, quoi. Et on décroche 6 semaines après. Et je trouve que, en plus, travaillant dans un service public qui utilise des fonds publics, je trouve que tout le public a le droit de s'y retrouver. Ça me semble fondamental. Et ça fait 3 ans que j'ai un peu changé la manière de faire. Les 2 premières années, il a fallu un peu que je prenne mes marques et j'avais aussi des choses qui étaient engagées par mon prédécesseur. Donc j'avais moins le choix. Mais que l'expression artistique leur parle. C'est aussi si l'expression artistique est montrée par cette exposition, si l'expression, la manière, si ça leur parle, c'est comme ça qu'ils viendront, c'est qu'ils iront dans des lieux. C'est comme ça aussi que quelque part, on regardera les choses en se faisant sa propre idée et pas en utilisant des critères généraux du genre bien, mal, méchant, gentil. Non, se faire une idée et avoir peut-être un peu plus de souplesse d'analyse. Il n'y a rien qui me déçoit le plus, ou ça m'attriste et ça me met en colère. C'est quand je vois sur les forums de discussion, dans la presse, on va encore avoir l'exemple ici récemment, comment les gens se permettent de juger sur base de choses absolument... Oui, ils ne connaissent pas, quoi. En fait, sur base d'un truc jeté en pâture par la presse, on est café du commerce. Et je trouve qu'il y a... Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. Non, je peux parler. Bon, ben, ici, on vient d'avoir dans la région ici un député qui a été... il y a eu une perquisition par rapport à des faits de mœurs. Mais tout ça n'est que suspicion. Pour le moment, il n'y a aucune... Je trouve dommage que les gens se sentent obligés d'être pour ou contre, alors qu'il n'y a encore aucune information, qu'on ne sait rien. Quoi. Dans le même ordre, je trouve ridicule de dire c'est beau, c'est pas. On peut dire j'aime ou je n'aime pas. Mais pour dire je n'aime ou j'aime pas, je crois qu'il est important d'avoir des critères de lecture et de compréhension des choses. Et je crois que c'est notre boulot ici à la Maison de la Culture de donner ces critères de lecture, qui sont des critères de lecture par rapport à des œuvres d'art ou par rapport à une exposition ou par rapport à des choses que nous, on a choisies et qu'on montre. Et encore, c'est déjà sélectionné, puisque c'est nous qui choisissons. Mais je crois que d'essayer d'éveiller le sens critique par rapport, parfois, ne fût-ce qu'une photo, c'est peut-être, quelque part, faire fonctionner les neurones pour éveiller le sens critique par rapport à des choses qu'on lit, par rapport à une image qu'on voit dans la presse, par rapport à quelque chose qu'on voit se passer dans la rue. C'est éviter de formater des gens en mouton, quoi. C'est en mouton ou en suiveur. Bah, la bonne chance, hein, parce qu'on est plutôt à l'inverse dans notre système. Hein, on est plutôt tendance à formater les gens. Tout à fait, tout à fait. Moi, je veux continuer dans cette ligne-là. J'ai déjà la thématique pour la prochaine expo. Dites. Il n'y a pas encore de titre, hein, mais ça va tourner autour de la manière dont on appréhende son environnement, de la manière dont on se déplace, donc qui je suis, là où je suis, où on passe dans l'histoire de cartes qui utilisent des points de repère visuels à maintenant pour se déplacer quand on est en bagnole ou même maintenant des gens qui vont faire de la randonnée. C'est quelqu'un qui leur dit tournez à gauche, tournez à droite. Il n'y a aucune connaissance de cette personne. Il y a une espèce de crédulité comme ça débile par rapport à des injonctions données par quelqu'un, au point qu'on part avec son GPS à tel endroit, en tournée à gauche, deuxième à droite, troisième sortie, attention radar, et le lendemain on doit y retourner, on ne sait pas y aller. Donc c'est comment on se laisse déposséder quelque part de nos sens et aussi de notre sensibilité. Et c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de bosser. Je crois que a priori, ça devrait continuer à pouvoir fonctionner comme ça, puisque d'année en année, on augmente, on fidélise un public, on augmente un public. Et en termes de... Oui, aussi des partenaires avec qui j'ai travaillé pour Code Logo Picto, c'était avec Jérôme Considérant qui détourne des codes, des panneaux routiers pour en refaire des œuvres d'art, ou qui détourne des œuvres d'art plutôt pour les ramener en panneaux routiers. L'an dernier, les graffeurs avec qui on a travaillé, ils étaient là au vernissage de l'expo sur le tatouage. Donc je me dis, c'est à ramener un autre monde. Et ce qui était très gai aussi, c'est qu'il y avait un monde fou pour le vernissage de cette expo, mais un public mixte. On était avec des jeunes, des tatoués, des non-tatoués, des personnes âgées, des personnes qui viennent habituellement voir les expos, plus art plastique, légitimé. Donc je dis, là, je trouve là il y a certainement quelque chose qui fait que le public s'y retrouve et est interpellé par les thématiques. Et dans ton expo, on va terminer tout doucement. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou qu'est-ce que t'invites comment tu pourrais inviter les gens à dire bah tiens dans cette expo il y a ce truc là moi ou bien pas hein, mais il y a un truc que t'as envie vraiment de faire partager dans cette expo. Il y a trois axes, je dirais. Il y a les panneaux, tout ce qui est plutôt historique, etc., historique, ou qui parle des techniques, qui parle des différents styles, qui parle de tatoueurs renommés. Il y a l'axe plus artistique, photo, et alors il y a les vidéos. Donc c'est trois aspects complémentaires, je dirais. Je crois que écouter les témoignages des 21 tatoués qui parlent de leur tatouage, toujours sur le même canevas, moi je n'interviens pas, je leur dis, tu me dis pourquoi tu t'es fait tatouer, pourquoi ce motif-là, pourquoi cet endroit-là du corps, et si c'était à refaire, mais tu parles librement. Je trouve qu'il y a des choses moi, qui m'ont touché très fort dans la manière dont certains ou certaines se livrent avec beaucoup de sérénité, comme ça, ils parlent de leur histoire. Moi, je filmais le tatouage, donc il n'y a pas de visage. Hein, mais... Et alors, une autre, les photos de Charles sont vraiment très, très belles. Au niveau de tout ce qui est panneaux, ben, les panneaux, on peut retrouver, si on est un peu curieux de ça, il y a des bouquins qui existent, donc ça, on n'est pas nécessairement obligé de venir voir l'expo. Par contre, les photos de Charles, on ne les reverra peut-être pas tout le temps. Bon, comment l'interview, on va peut-être la mettre sur YouTube ou un truc pareil, je trouve. Mais je trouve que c'est des témoignages. Et alors, c'est aussi des gens, il y a certains que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas, d'autres j'ai croisé, bon, je vois que tu as un tatouage, et je monte une expo, tu serais d'accord d'en parler. Et alors, cette nana qui dit, tu veux que je parle du dernier, alors elle avait écrit Alléluia à l'intérieur de sa lèvre inférieure. Je dis, mais je veux bien que tu parles du dernier, mais on ne va pas comprendre grand-chose. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de confiance. Il y en a un qui m'a demandé, après s'être entendu, mais je crois que ça avait bousculé, parce qu'il parlait un peu de ce que contenait ce tatouage. Je crois qu'il a dit, je ne suis pas content de comment j'ai expliqué les choses, on va le refaire, je te recontacte, il ne m'a jamais recontacté. Donc je suppose que si effectivement ce sont des traces, des éléments essentiels de sa vie, d'en parler, ça a peut-être bousculé des choses, il n'a peut-être pas trop envie de le partager ou peut-être plus trop envie d'en parler, hein, ça c'est une chose. Et quelqu'un d'autre qui dans un premier temps était intéressé, et puis il m'a dit non, je ne montre pas mes tatouages à tout le monde, je n'en parle pas devant tout le monde. Ce qui revient bien à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et dans le film Tous tatoués, il y a un tatoueur qui dit on ne connaît jamais vraiment bien qu'une personne quand elle s'est mise complètement à nu. Oui, il y avait un autre dans ce film aussi, je trouve ça assez impressionnant, né dans le Massachusetts, où le tatouage était interdit. Et quand il a annoncé à ses parents qu'il voulait devenir tatoueur, c'est comme si je leur avais annoncé que j'allais être cambrioleur. Mais l'expo circulera donc, je ne sais pas, par rapport aux auditeurs là, qui écouteront ou aux personnes qui iront. Mais comment elle s'appelle cette expo pour aller taper sur le net, par exemple? Alors c'est Derma, l'encre dans la peau. Donc Derma, le titre principal, et sous-titre, l'encre dans la peau. Ben, Derma, ben, voilà, c'était trouver un mot un peu générique. Et Derma, ben, c'est notre derme, et voilà quoi. Donc Derma, l'encre dans la peau. Et elle tournera, je disais, en province de Namur en début d'interview, là, mais il y a déjà des demandes. On va voir maintenant comment nos autorités provinciales se positionnent, puisqu'a priori, on travaille sur la province. Mais en ce qui me concerne, il vaut mieux une expo qui tourne qu'une expo qui tourne hors province qu'une expo qui est gardée dans les réserves, parce qu'il n'y a pas de demande dans la province. Donc je sais que il y a en tout cas un ou l'autre appel du pied du Hainaut et du Brabant wallon. Tiens, mais enfin vite, parce qu'il nous reste un peu de temps, mais je me pose la question comme ça, c'est arrivé comme ça subitement. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'une expo elle est finie, ça va au grenier, à la cave, ça bouge plus, quoi? Alors ici, il y aura les panneaux qui seront conservés, les photos de Charles seront conservées. Mais les photos, bon, on a pris l'option de ne pas les encadrer, de ne pas mettre de verre, d'avoir simplement ces pots de papier qui sont pendus avec deux épingles, de manière à ce qu'on ait une grande proximité. Donc ces photos, elles vont vivre leur vie et puis, à mon avis, elles seront abîmées à la fin, quoi. Mais oui, malheureusement, c'est parfois conservé. J'espère que des choses continueront à tourner, mais ça, c'est... Je suis aussi tenu, moi, de... Mon prédécesseur avait calculé que c'est plus ou moins deux ans de vie pour une exposition, et donc il y en aura d'autres qui suivront, quoi. Actuellement, il y a Street Art qui tourne, il y a Derma, et alors j'ai parfois des expos de photos, mais ça, c'est sur des collaborations, des aides qu'on donne notamment à la Biennale de photographie du Condro, où ils mettent à disposition une série de photos pour un temps déterminé, et puis ils retournent chez le photographe. Oui, bon, peut-être, oui, il y a des très belles choses qui se font dans le tatouage, mais faites jamais ça sur un coup de tête. Laissez-vous le temps d'avoir vraiment, d'abord, le tatoueur avec qui vous avez vraiment des atomes crochus. Je crois que c'est une histoire de rapport humain et de confiance. Et alors, un dessin qui, enfin, quelque chose qui vous touche vraiment, quoi. Pas un truc parce que vous avez vu un copain ou une copine, ou pour faire plaisir. Non, c'est votre histoire, il ne faut pas faire plaisir. C'était ça le sens de la question dans les interviews. Pourquoi la zone du corps? Ça m'interpelle toujours qu'on se fasse tatouer, je ne sais pas, à l'arrière du cou ou au bas des reins, ou derrière l'oreille, des zones où soi-même on ne voit pas, quoi. Donc, à qui on montre ce tatouage ou pour faire plaisir à qui on a fait ce tatouage. Donc je crois que c'est une affaire. Enfin, chacun a finalement aussi le choix de faire plaisir s'il a envie de faire plaisir, mais sachant que c'est pour quand même un certain temps, ben, faisons-nous plaisir à nous avant